Clapton is God. C'est cette phrase que l'on pouvait lire sur certains murs de Londres dans les années 60. Clapton serait-il donc Dieu ? Vérifions la réponse à travers cette nouvelle chronique qui porte aujourd'hui sur Eric Clapton, bien évidemment. Eric Clapton est né en 1945 en Angleterre et façonna le monde en 6 décennies. Le jeune ado, au résultat médiocre à l'école, commençait, comme tant d'autres, sa carrière dans des clubs de musique. Il est recruté en 1963 par les Yardbirds, qui vont pouvoir percer en compagnie de ce jeune talentueux à travers des reprises de blues. Clapton se démarque rapidement par un style qui commence à adopter, et qui sera bientôt sa patte artistique. Son jeu de guitare, au sein du groupe, lui permet une rapide renommée en Angleterre. Mais dès 1965, il quitte les Yardbirds, considérant que la musique s'éloigne trop du blues. Le groupe va plutôt bien s'en sortir, puisque c'est Jimmy Page qui va le remplacer. La soif d'aventure de Clapton lui fait rejoindre un autre groupe en vogue, les Blues Breakers, et leur leader, John Mayall. Encore une fois, pour une période très courte, de 1965 à 1966 précisément. Période très courte, oui, mais qui va lui faire encore gagner plus de notoriété. Sa formation la plus marquante est sûrement celle avec les deux grands musiciens, Ginger Baker et Jack Bruce. Imaginez la guitare puissante de Clapton, la précision de Baker et la subtile voix de Bruce. Ce power trio, nom donné au groupe de 3 musiciens à l'époque, va faire exploser les ventes et va contribuer à l'expansion du rock psychédélique. On parle même d'acid rock. Le trio porte le nom de Cream. Clapton se surpasse, il compose énormément, il improvise de longs moments instrumentaux et doit assurer la partie rythmique et solo de la guitare. C'est un vrai demi-dieu. Mais pour devenir un dieu, il va falloir opérer tout seul. Après avoir quitté Cream en 1968 et contribué à quelques autres groupes, comme le supergroupe Blind Faith ou encore Delaney and Bonnie, Eric Clapton sort son premier album solo en 70. On pourrait croire qu'en 7 ans, il a tout vécu, mais sa carrière est loin d'être terminée. Dieu créa l'aube à son image, et bien Clapton créa un groupe à son image. Il s'agit de Derek and the Dominoes, à qui l'on doit l'excellent Layla et son mémorable riff. Dès 1971, le groupe se dissout. Après tant d'années actives, Clapton avait droit, tout comme Dieu, à son 7e jour pour se reposer. Mais ce repos entraîna aussi pendant quelques années une addiction à la drogue et à l'alcoolisme, et par conséquent, un jeu bien moins convaincant sur scène. Une période assez sombre donc pour le guitariste. S'il réussit à se débarrasser de la drogue, l'alcool, quant à lui, continue de l'affecter, allant jusqu'à l'hospitalisation à la fin des années 70. Une période donc très sombre pour notre Dieu, qui pourtant représente une grande période de sa carrière solo avec des chansons à succès telles que Cocaine et Wonderful Tonight. Le guitariste de rock devient peu à peu un auteur-interprète qui veut être reconnu. Clapton va réussir à se remettre de tout ça grâce à la musique et surtout de nombreux amis qui le soutiennent et le poussent à remonter sur scène. Clapton subit aussi l'arrivée des synthés dans les années 80, ce qui ne l'empêche pas d'être connu et adulé par le public du monde entier. Les années 90 vont marquer son retour fulgurant sur la scène musicale. De nombreuses collaborations, des tournées dans le monde, d'excellents albums comme le live pour l'émission Unplugged de MTV, dans lequel il joue uniquement en acoustique avec le public. Et pourtant, il aurait pu retomber dans une dépression définitive, puisqu'au début des années 90, il perd un grand ami à lui, avec qui il organisait des concerts, Stevie Ray Vaughan, étoile montante du rock'n'roll, mais surtout, en 1991, son fils, décédé accidentellement à seulement 4 ans. Enfin, depuis les années 2000, Clapton a travaillé sur de nombreux albums et a notamment reformé le temps d'une série de concerts, le groupe Cream. Aujourd'hui, il n'y a pas une liste sur le rock sans un de ses groupes ou de ses titres. Il commença sa carrière au début des années 60 et fin 2018, il publia son dernier album. En vue de son interminable carrière, de ses techniques de jeu de guitare inimitables, de son mental d'acier aussi, ou de ses compositions magnifiques, je pense que l'on peut dire en 2019, Clapton is God. Passons donc à mes coups de cœur, et pour commencer le morceau Blues Power, qui fut présent sur son premier album solo de 70, mais je vous conseille surtout la version présente sur l'album Live de 1980, intitulée Just One Night. C'est juste parfait si vous avez envie de danser du rock'n'roll, le piano endiablé et le méga solo de guitare très wow wow, tout y est pour surkiffer cette musique. Il s'agit de Blues Power. Ensuite, je vais citer un de ses titres des années 80, loin d'être ma période préférée, mais ça va me permettre d'évoquer un autre groupe peu connu et pourtant génial. Sur son album August est présent le titre Behind the Mask. C'est mon second coup de cœur. La version de Clapton fait le job et reste agréable à écouter. Mais si ça fonctionne, c'est grâce à la structure initiale du morceau qui a été composée par le japonais Ryuichi Sakamoto et son excellent groupe de synth-pop Yellow Magic Orchestra, que je vous recommande évidemment. Même Michael Jackson a repris cette chanson. Nos amis japonais méritaient donc bien une mention spéciale. Écoutez Behind the Mask. Pour finir, un peu d'émotion avec le titre Tears in Heaven, datant de 92, dans lequel Clapton décrit sa douleur et sa difficulté de se remettre de la mort de son fils de 4 ans. Ce fut un gros succès à l'époque, la chanson est très triste, et jamais une guitare acoustique n'a autant dégagé de beauté que dans Tears in Heaven. If I saw you in heaven. On va se quitter avec un des plus gros succès de Clapton, chanson à l'origine composée par Gigi Kale. Elle s'intitule Cocaïne. Très bonne écoute et à la semaine prochaine sur RGR. If you wanna get cœur.